La France juive par Édouard Drumont, un article signé Mermex, paru dans le journal La France le 22 avril 1886. Un livre vient de paraître plein de passion, d'injustice et aussi de talent. C'est La France juive, pamphlet antisémitique de M. Édouard Drumont. M. Édouard Drumont est un journaliste de grand mérite. Il y a quelques mois encore, il appartenait à la rédaction de La Liberté. Maintenant, il est rédacteur du Monde. La Liberté est un journal libéral. Le Monde est un journal du Parti catholique. M. Édouard Drumont est passé du premier au second parce que ses opinions avaient changé. Sa conversion, qui a été sincère, est tout à fait respectable. Personne n'a le droit de le blâmer d'être aujourd'hui plus fervent chrétien qu'il ne l'était hier. La France juive a donc été écrite en toute honnêteté par un homme convaincu. C'est peut-être un mauvais livre si l'auteur s'y est trompé, s'il a porté des jugements faux. Ce n'est pas, comme le disent quelques-uns, une mauvaise action. C'est l'intention qui donne à un acte sa moralité. Or, les intentions de M. Drumont sont honorables. S'il s'est trompé, il s'est trompé de bonne foi. Et certes, il a commis des erreurs. Le livre en est plein. M. Drumont traite de juifs des gens qui ne le sont ni de religion ni de race, dont les pères ne l'étaient pas. Il reproche à celui-ci ce qui incombe à celui-là. Il se perd en des digressions théologiques sans intérêt. La France juive, comme tous les pamphlets, est injuste. Mais c'est l'injustice qui fait le succès des pamphlets, puisque les pamphlets sont des cris de passion et que la passion est entière. M. Drumont aurait fait une œuvre plus équitable s'il avait écrit sur la France accapareuse, au lieu d'écrire seulement sur la France juive. Car on trouve bien des juifs. Nous prenons le mot dans son sens détourné, qui est le sens populaire, hors de la synagogue. Il y en a parmi les chrétiens, vous en connaissez, qui sont catholiques et protestants. Il ne faut pas méconnaître que M. Drumont a exprimé avec fureur un sentiment d'animosité qui commence à être général contre les intermédiaires, contre les marchands d'argent, contre cette race d'hommes qui représente dans la société ce que la cagnotte représente dans les cercles. La cagnotte fait un prélèvement sur la mise des joueurs avant le commencement de la partie. Il ne lui importe qui gagne ou qui perde, sa part est toujours sauve, on la paye d'avance. Supposez deux joueurs possédant chacun 100 francs. À la première manche, ils donneront 5 francs à la cagnotte. À la seconde, si l'un des deux n'a pas tout perdu et si la partie continue, ils verseront encore 5 francs. Pour peu que la veine soit hésitante, qu'elle ne favorise jamais complètement celui-ci et qu'elle laisse toujours à celui-là de quoi demander une revanche, il arrivera un moment où les 200 francs seront tombés dans la cagnotte et où les deux joueurs seront décavés sans qu'aucun d'eux ait perdu ni gagné. Il y a, dans la société comme au cercle, une cagnotte. La cagnotte dans la société est représentée par la banque. La banque ne joue pas, elle est intermédiaire. Elle a des commissions, des courtages. Elle prend à droite, elle paye à gauche, en arrêtant toujours au passage son indemnité. Lentement, ses clients s'appauvrissent, elle s'enrichit toujours. Elle ne risque rien et elle finit par tout avoir, ce qui prouve que le proverbe « qui ne risque rien n'a rien » est faux. Il a été inventé par quelque aventurier au cerveau brûlé pour excuser une hasardeuse tentative et depuis on le répète. Le meilleur moyen de gagner, c'est de ne rien risquer, mais de se placer entre deux joueurs et de leur prêter ses bons offices. C'est ce que fait la banque. Quand nous parlons de la banque, on devine bien que nous ne parlons que d'une certaine banque, toute puissante, et qui compte en France à peine une vingtaine de maisons. Tous les banquiers, à l'exception de ces 15 ou 20 grands seigneurs de l'argent, sont moins des intermédiaires que des spéculateurs. Les petites maisons de coulisses sont certes des clients, qui leur payent des commissions, mais eux-mêmes, s'ils sont croupiers et cagnottent pour leurs clients, sont simplement joueurs dans la haute banque. On ferait un livre bien curieux, mais on ne pourra pas le faire parce que les statistiques manquent en recherchant où est passé l'argent engagé à la bourse, partant de spéculateurs depuis 10 ans. Presque tous ces spéculateurs sont appauvris. Beaucoup même sont ruinés. Où sont leurs millions? Sont-ils dans la poche du public, d'où ils les avaient fait sortir? Non. Ceux qui sortent des bas de laine pour aller à la bourse ne rentrent pas dans les bas de laine. Tous les millions que les petits gens avaient épargnés, que les petits spéculateurs ont drainés et jetés à la bourse, sont dans les coffres-forts de la haute banque. La nation se ruine au profit de 50 familles. Ces familles sont-elles israélites? Il y en a d'israélites, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Si M. Édouard Drumont a eu la pensée de reprocher seulement aux Juifs cet appauvrissement national, c'est d'abord par l'entraînement d'une passion religieuse intolérante. Ensuite, c'est parce que, si tous les intermédiaires de jeu à la bourse, de ce jeu où seule la haute banque gagne, ne sont pas israélites, tous les israélites du moins sont intermédiaires. Il vaut mieux dire qu'on croit qu'ils le sont. On s'imagine que les israélites ne sont que des hommes d'argent, des marchands d'argent. C'est une erreur que M. Édouard Drumont n'aurait pas commise s'il avait mis moins de rage à écrire son livre. Notre armée compte des officiers juifs. Nous avons des généraux qui sont juifs. Il y a des savants et des artistes remarquables qui sont juifs. Dans cette mêlée de la vie parisienne, nous coudoyons tous des juifs. Et qui de nous n'en a pas un parmi ses amis? Nous avons d'excellents confrères qui sont juifs. On doit dire que si les Israélites ne sont pas en France la race haïssable qu'ils sont en Algérie, en Pologne, en Russie, si près dans leur ensemble, ils sont français comme les autres et d'aussi bons garçons, quelques-uns de leurs coreligionnaires ont beaucoup fait en ces dernières années pour leur nuire. Les journalistes sont des gens avec qui il faut compter en notre temps de publicité. Eh bien, que les Israélites recherchent si parmi eux, il n'y a pas des hommes qui, en se faisant haïr et mépriser dans la presse, n'ont pas contribué à entretenir les sots préjugés contre leur race. Ces généralisations ne sont pas de droit, nous vous l'accordons, mais on généralise aisément. M. Édouard Drumont, qui vivait parmi ses confrères, a certainement entendu des plaintes trop fondées contre certains journalistes israélites qui manquent de politesse et d'autres qualités plus nécessaires encore dans notre profession, et sa passion en a été certainement excitée. On sait bien là de qui nous parlons. Nous résumons cet article où nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur le pamphlet de M. Drumont. Le péril social, si péril social il y a, n'est pas dans la France juive. Nos juifs sont des Français. Nous ne voulons pas les répudier. Nous les gardons comme eux gardent dans leur cœur l'amour de cette France, qui les a fait sortir du ghetto et qui, de Paris à qui ils étaient, en a fait des hommes, des citoyens. Mais nos Israélites nous suffisent. Nous voudrions, si c'était possible, qu'on arrêtât l'invasion chez nous du juif étranger, du juif polonais, du juif allemand, du juif russe, qui ont gardé encore tous les caractères de la dégradation servile où le Moyen-Âge intolérant jeta les Israélites. Nos juifs sont des nôtres, ils seront toujours en France comme les autres Français, mais que les pays étrangers gardent les leurs, à chacun les siens. Il n'y a pas, à proprement parler, de question juive. Il y a une question sociale qui se pose entre la nation qui se ruine et quelques familles qui s'enrichissent sans cesse. Voilà la question qui n'est pas encore formulée, mais qu'il faudra résoudre. Il y aura certainement, de la part des intéressés, une tentative de diversion antisémitique, que les gros accapareurs, dont la richesse excessive fait la ruine et finira par faire l'impuissance du pays, se sentiront menacés. Ils crieront « Aux Juifs, haros sur le Juif !» Ils voudront, pour se conserver, sacrifier les Israélites. Nous serons en garde contre ce piège. Quand viendra l'heure des sacrifices, et elle viendra, vous l'entendrez sonner, nous demanderons aux nouveaux privilégiés, à tous, une nuit du 4 août. Nous ne ferons pas une persécution particulière contre tel ou tel homme, parce qu'ils auront telle ou telle religion. La France juive n'est pas dangereuse, c'est la France accapareuse, quelques centaines d'individus qui lentement absorbent les capitaux de la nation, exproprient les petits propriétaires, exportent nos richesses. C'est cette France-là qui constitue le péril, et c'est avec elle, et pas seulement avec la partie d'elle-même qui est juive, que la nation réglera son compte quand des circonstances exceptionnelles exigeront des mesures exceptionnelles. Tel est notre avis sur la question soulevée par le livre de M. Drumont. En cette circonstance, comme en toutes les autres, les opinions exposées sous cette signature n'engagent que le signataire. Ainsi s'achève « La France juive » par Édouard Drumont, un article signé Mermex, paru dans le journal La France le 22 avril 1886.